Join me on RIG. RIG. Oh, la marche est vachement plus lourde que nous. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Je vous ai dit une fois ou deux que j'avais un réel plaisir de vous trouver là, derrière le poste, derrière votre ordinateur, derrière aussi peut-être votre autoradio si vous êtes sur Bordeaux et que vous nous écoutez sur 90.7. J'adore faire de la radio, j'adore faire cette émission, la saga des Fab Four, qui existe depuis 1984. Quand même, ça vous marque un homme, ça. J'adore les Beatles et je compte continuer à les adorer pendant un certain temps, j'espère. La saga des Fab Four, c'est la numéro 353. Nous sommes le 22 novembre 2017 et c'est une saga qui n'a pas été créée par moi. Et non, pas celle-là. Cette saga a été programmée par un auditeur et l'auditeur, vous le connaissez, c'est Jean-Philippe Fab Four. Enfin, je l'appelle comme ça. En fait, il s'appelle Nelson, Todd et plein de trucs. Mais je le vois sourire d'ici tellement je le connais. Il aimerait bien que je dise son nom par cœur, mais je ne le retiens jamais. Donc c'est JP, c'est Jean-Philippe, Jean-Philippe Fab Four, et c'est très bien comme ça. Donc, il vous a concocté une saga aux petits oignons, monsieur, dame. Il y aura du George Harrison, des Beatles, du George Harrison, des Beatles, des Traveling Wilburys et des invités. Voilà, comme ça vous savez tout, et c'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a 30 titres, 31 titres même. Il est généreux, Jean-Philippe. On écoute, et je vous donne les 4 ou 5 premières, juste parce que c'est l'habitude et vous avez l'habitude que ce soit comme ça tout le temps. On va écouter en premier titre de Somewhere in England de 1981, That Which I Have Lost. Il y aura ensuite les Beatles avec Let It Be en 1970 et ce titre, I Me Mine. Donc c'est toujours évidemment George Harrison à l'honneur, puisque nous sommes en novembre et vous savez ce qui s'est passé au mois de novembre. Voilà, donc il est fan de George Harrison. Il a un site d'ailleurs qui s'appelle The Quiet Beat, The Quiet George. Donc si vous voulez aller le voir, le site, vous le trouverez sur Facebook sans aucun problème. On mettra d'ailleurs un petit lien, je compte sur Rook pour le faire, dans le groupe La Saga des Fab Four. On écoutera aussi ma chanson préférée. Merci de l'avoir programmée. While My Guitar Gently Weeps, qui s'enchaînera avec Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Ça, ce sera George Harrison en 1973. Et puis, les Beatles, l'album Revolver, Love You Too. C'est tout pour le début de la soirée. Je vous souhaite une très très bonne émission jusqu'à 22h. On est ensemble. Salut aux petits nouveaux, salut aux anciens. L'émission commence maintenant avec George Harrison, That Which I Have Lost, sur RIG. Fighting the forces of the darkness, limitation, falsehood, immortality, which bore him the way back into the higher world. While his whole being is bewildered, he does not know the thought of action, taking refuge inside himself, and he's saying, I need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me. And give me that which I have lost. As all had seemed lost, a light from heaven breaking, it flashed in wood illumination, made rich his life more than many words tell. The light renewed, precious rain scales were falling from his eyes again. The bolts of his prison opening, he's saying, I found someone who showed me, illumine my consciousness, remove the dark from me, and given me that which I had lost. Time to listen to him. Is it fighting revolutions that keep you back down in the lower world. The mirrors of understanding, they need cleansing. Polish away the dust of desire before pure light will reflect in them. You need someone to show you illumine your consciousness. Remove the dark from you and give you that which you love. To show me, illumine my consciousness, remove the dark from me, and give me that which I love. You need someone to show me, illumine your consciousness, remove the dark from me, and give the view that which you love. Passons, si vous le voulez bien, de 1981 à 1970. Son engagement dans la philosophie orientale devenant de plus en plus profond, George fut confronté à un dilemme qui lui imposait de concilier sa position de rockstar avec l'humilité qu'exigeait la religion pour l'édification de l'âme. George pensait que c'était l'intérêt excessif porté à l'ego, ce que je veux, ce qui m'appartient, ce qui est à moi, qui nous empêchait d'être absorbés par la conscience universelle dans laquelle n'existait ni dualité ni ego. Il n'est rien qui ne soit parti de tout, expliquait George. L'air de valse de cette chanson là, I, Me, Mine, donc je, moi, à moi, si vous voulez le traduire en français, lui a été inspiré par la musique que jouait une fanfare autrichienne lors d'une émission de télévision. Voici cette chanson extraite de Let It Be. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four de Jean-Philippe Fab Four. I'm in mine. Now the frightened are leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Merci d'avoir choisi cette chanson, Jean-Philippe, parce que vraiment, j'adore cette chanson. Quand Harrison commence à chanter et quand la voix de Paul McCartney, oui, comme ça, vient se planter dessous en harmonie, c'est absolument divin, merveilleux. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, j'adore Paul McCartney, mais si je dois mettre une chanson au-dessus des autres chez les Beatles, c'est celle-ci, While My Guitar Gently Weeps. Bravo, monsieur George Harrison. Celle-ci est vraiment la chair de poule, les enfants. Je l'ai écoutée des milliers de fois. J'adore cette chanson. Allez, voici une autre chanson de George Harrison qui parle de paix. Oui, il n'y avait pas seulement John Lennon qui parlait de paix. George Harrison aussi, il dit « Donne-moi de l'amour, donne-moi la paix sur terre ». C'était en 1973 sur l'album « Living in a Material World ». On écoute maintenant sur RIG dans la saga des Fab Four. Life, keep me breathing. Donne-moi de l'amour, donne-moi la paix sur Terre. Ce serait bien si on avait celui qui a fait l'émission avec nous. Eh bien, on a une petite surprise pour vous. Jean-Philippe, salut. Salut, bah bonsoir tout le monde. Et oui, je suis en direct sur RIG. Non, non, c'est pas une blague, c'est pas un message enregistré. Non, je le précise, oui, il vient de s'arrêter, il va reprendre maintenant. Et donc voilà, donc c'était juste pour passer un petit coucou, parce qu'il y a la lumière, donc je suis rentré. Il a le trac. J'ai le trac, je tremble un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est pour la première, c'est toujours pareil. Ça se passe très bien. Donc j'aurais passé un petit coucou aux personnes que je connais, et tout particulièrement à des petites mamies qui, chaque vendredi, donnent du café. Donc c'est la paroisse Saint-Jean-de-Montmartre en 18e, donc je leur ai promis que je ferai un petit coucou parce qu'elles nous écoutent ce soir, voilà. Donc bonne écoute à tout le monde, et merci pour votre soutien, et que vive George Harrison et les Beatles, voilà, simplement. Très bien, ça s'est très bien passé. La suite de la saga, c'est maintenant, c'est sur RIG. C'est la saga. Vous ai parlé de Lovely Rita, non ? Eh bien, je vais vous en parler maintenant. C'est celle qui tient le Beatles Magazine à Londres. Si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les tournées de Paul, celle de Ringo, sur les albums à venir des Beatles, pourquoi pas, puisque récemment, ils ont ressorti Sgt. Pepper. Il y aura peut-être l'année prochaine le White Album. On peut toujours l'espérer. Eh bien, si jamais quelqu'un le sait, c'est le Beatles Magazine. Vous allez sur beatlesmagazine.uk.com, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et vous saurez tout sur Facebook, sur Google+, sur Twitter. Bref, il faut vous rendre sur beatlesuk.com. On la remercie parce qu'elle parle aussi des animateurs qui font des émissions radio. Vous pouvez vous rendre sur sa page et vous saurez qui fait de la radio quand, notamment le mercredi soir, la saga des Fab Four. C'est uniquement sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Merci, Lovely Rita. Le choix le choix de JP. C'est Ballad of Sir Frankie Chris par Jonathan Betts sur l'album George Fest en 2016. Bring out the old ring in the noon. ding dong, ding dong. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est quand il dit « Yesterday, today was tomorrow, and tomorrow, today will be yesterday ». Ça veut dire, de manière très philosophique, hier, aujourd'hui, c'était demain, et demain, hier, ce sera aujourd'hui. Réfléchissez, faites un dessin, c'est très, très vrai. Et maintenant, c'est « Wah, wah ». Là, tu l'as dit très fort. En live, s'il vous plaît, avec Nick Valenzi, sur la régie. Toujours extrait de le George Fest, sorti en 2016. Oh, Matt Sorum, ladies and gentlemen. Thank you. Have fun. George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Oh, toi, Julie. You, c'est George Harrison sur RIG dans la saga des Fab Four. En 1975, sur l'album Extra Texture, Read All About It. Ce titre d'album, il l'avait trouvé juste sur un paquet de pâtes. Il y avait marqué Extra Texture, Read All About It. Parce que le problème de George, c'était souvent de trouver un nom à une chanson ou un nom à un album. Il avait du mal. Eh bien, quelquefois, il prenait ce qu'il avait autour de lui. Et puis, c'était parti comme ça. On arrive au Traveling Wilburys, si vous le voulez bien. Mais oui, vous le voulez bien. C'est leur premier album en 1988 avec ce titre, Last Night. J'aime bien parce que c'est last night, tum, tum, tum, tum, talking about last night. Allez, chante plus moi. RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 353, une saga créée par Jean-Philippe, Fab Four, un auditeur. She was there at the bar. She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. Last night, thinking free. She was light on her feet. We went up to her room and she lowered the moon. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. Down below, they danced. Un an auparavant, en 1987, George Harrison faisait son grand retour. Il était resté silencieux après l'album Gantropo de 1982. Et puis, en 1987, donc 5 ans à rester dans son jardin, à s'occuper de ses plantes, etc., il en avait marre de la musique, il avait envie de faire autre chose. Eh bien, il a eu envie de revenir. Il s'est entouré de ses potes, Eric Clapton, forcément. Il y a Elton John, il y a Jeff Lynne, déjà, à la production avec lui. Et c'est un retour gagnant. L'album Cloud Nine est vraiment un très, très bon album, vraiment boosté par la chanson Got My Mind Set On You, qui n'est pas de George Harrison, c'est une reprise, mais ça a permis de revenir au premier plan pour George Harrison, et c'était vraiment très très bien. Je vous propose une chanson que nous a proposé Jean-Philippe, ça n'est pas la chanson Got My Mind Set On You, c'est Breath Away From Heaven, sur l'album Cloud Nine, et c'est sur RIG. Enchanting beauty, shimmering magically. like an iridescent cloud being blown by a westerly wind. She can move your soul without you knowing. She can take the breath away from an opalescent moon alone in the sky of the fatherland. She can take the breath away from les années encore, en 1971, c'est le premier George Harrison à organiser un concert de charité réunissant des vedettes pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Il organise The Concert for Bangladesh et un extrait de cet album choisi par Jean-Philippe, c'est Waiting on Your Hall sur RG. C'est en live, bien entendu. Forcément, c'est un concert. Don't need love. No passport, and you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. You open up your heart. You open up your heart. Oh,

tax man. Yeah, I'm the tax man. Don't ask me what I want it for. If you don't want to pay some more, 'cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Now my advice for those who die, tax man, declare the pennies on your eyes, tax man, 'cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Extrait de l'anthologie 2, sorti en 1996, les Beatles forcément, George Harrison et Taxman. Taxman fut composé par George Harrison lorsqu'il s'aperçut que ses revenus étaient imposés au taux maximal, soit 19 shillings et 3 pence par livre sterling. 96%. Jusqu'en 1966, le rythme de leur tournée avait été si trépidant qu'ils n'avaient pas eu le temps d'examiner leur comptabilité. Lorsqu'ils s'y livrèrent enfin à cet exercice, ils découvrirent qu'ils n'avaient pas autant d'argent qu'ils l'avaient imaginé. Presque tout partait en impôts, expliqua George. C'était, et c'est toujours, assez typique. Pourquoi est-ce comme ça? Est-ce qu'on est puni pour quelque chose qu'on aurait oublié de faire? John expliqua plus tard qu'il lui avait donné un coup de main pour l'écriture de Taxman et qu'il avait été franchement contrarié de voir que George ne l'avait pas cité dans le récit qu'il fit de la création de cette chanson dans son autobiographie I, Me, Mine. D'après John, George lui a téléphoné alors qu'il était en train d'écrire Taxman. J'ai changé quelques mots ici et là parce que c'était ce qu'il me demandait, dit-il. Je ne voulais pas le faire, mais comme je l'adore, je n'ai pas fait de commentaire et j'ai dit OK. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va considérer que c'est vrai. George a certainement peut-être été aidé par John. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça reste une très belle chanson sortie en 1966. Et voici une belle chanson d'amour que je dédie à toutes les belles femmes, dont une, elle sait de qui je parle. Beautiful Girl sur RG, c'est George Harrison. Que ça passe vite quand on est bien accompagné. L'émission est entièrement créée par Jean-Philippe Fabfort qui est venu exprès de Paris pour assister à l'émission et je le remercie, c'est très très gentil. Et il vous propose des chansons qui sortent un petit peu des sentiers battus, c'est très très bien. On revient à l'album George Fest qu'il adore décidément et c'est pas un reproche, au contraire c'est très très bien. Avec ce titre, It's All Too Much en live, s'il vous plaît. extrait de l'album George's Fest, sorti en 2016. Too Much. Un hommage à George Harrison. Ce soir, on rend hommage à George Harrison et c'est Jean-Philippe Fatfor qui a fait l'intégralité de cette playlist. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Long time ago when we was fab, back when income tax was all we had, caresses fleeced you in the morning light, casualties at dawn. And we did it all. Long time ago when we was fab, in my world you are my only love. That magnified the tears, studied warts and arm. Still the life flowed on and on. Long time ago when we was fat, but it's all over now, baby. Bernard qui nous dit sur Facebook que c'est sa chanson qui sonne le plus Beatles. Oui, sur l'album, oui, c'est clair. C'est un hommage appuyé aux Beatles, totalement volontaire. D'ailleurs, il vous suggère aussi d'aller voir le clip, parce qu'il y a dans ce clip tout l'humour du Beatle George Harrison, avec le côté indien, le côté non sensique, puisqu'à un moment donné, si je me souviens bien, il y a un clavier qui passe, mais qui dure 50 ans, le clavier. Et avec Ringo Starr, il a participé au clip. Ringo Starr, il a participé à l'album aussi. Et c'est un clip à voir. Allez rechercher le clip de cette chanson-là, ce sera très, très, très bien. Revenons à l'album All Things Must Pass, mais pas vraiment celui de 70, celui ressorti en l'an 2000. On avait accusé George Harrison d'avoir fait un plagiat de It's So Fine des Chiffons pour My Sweet Lord. Bon, il faut reconnaître qu'on n'en est pas loin quand même. Hein. Mais. Du coup, en l'an 2000, il s'est dit, ah oui, ce sont les mêmes notes. Eh bien, je vais en mettre des notes différentes et pourtant, ce sera toujours cette chanson My Sweet Lord. Voici la version que propose Jean-Philippe Fab Four, My Sweet Lord, le remix de l'an 2000 par George Harrison sur RIG. avec cette ambiance délicieusement rétro, années 50, années 60. Et moi, j'imagine bien les gens danser avec des petites robes et des sockets, vous voyez, faire des danser du rock'n'roll comme ça. Je ne sais pas danser du tout, mais cette chanson m'évoque ça. Voilà. Et je remercie Jean-Philippe d'avoir programmé cette chanson-là, parce que c'est vrai que je ne pense pas forcément, dans toute la discographie que j'ai, à toutes les chansons passables. Et celle-ci, ben, je la passe franchement pas souvent. C'est peut-être même la première fois. Et elle est très, très, très bonne. La suivante, alors par contre, je la passe régulièrement parce que c'est l'une des plus belles chansons de George Harrison. Elle est extraite de l'album 33 and One Third, pas facile à dire, de 1976. Et c'est une chanson qui dit « J'apprends à t'aimer, learning how to love you ». L'une des plus belles de George Harrison. C'est sur RIG, forcément. Learning how to love you. my shirt, a crime bucket full of teardrops. So hard to take, I got a soaking with those teardrops. And it feels like I have taken over from the rain. It's the same. Teardrops. I've had my share of crying buckets full of teardrops. So hard to take, I gotta soak in with those teardrops. And it feels like Saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur rjfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. People who hide ourselves behind the wall of illusion. Never glimpse the truth when it's far too late, when they pass away. We were talking about the lovely overture. When we find it to try, c'était il faut raccourcir, on va déborder sinon. On est Here Comes the Sun. Oh non, on peut pas enlever Here Comes the Sun. Alors, voici Here Comes the Sun sur RIG par Joe Brown dans le concert for George. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. myself out on a limb, but I'm happier than I ever been. But this guitar can't keep from crying. Learn to get up when I fall, can even climb from the stone wall. Point just like before. Can keep from crying. C'est vrai qu'on pleure, on pleure George Harrison. Merci pour cette superbe saga et tout ce qui s'ensuit parce que c'est vraiment très très bon. If I Needed Someone, les Beatles pour la dernière fois sur RG. c'est ainsi que se termine cette saga des Fab Four consacrée à George Harrison et créée par Jean-Philippe Fab Four. On va lui laisser le dernier mot. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Ben, merci pour tout et merci pour celles et ceux qui ont écouté. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Comme moi j'ai pu le faire. Voilà. Comme moi j'ai pu apprécier également. C'était super. On se donne rendez-vous la prochaine fois, quand tu veux. Pourquoi pas. Salut. Et bisous aux filles, poignées de main aux garçons, bien sûr. Salut. Dans quelques instants, Eric et son extraordinaire Johnny de A à Z.